sont forts, très très forts. Wow! Wow! Et puis, ben, c'est ça, je pense que le reste, on va les attendre pour demain. À moins que je t'en avais promis un autre. Est-ce que je t'en avais promis un autre? Ben je penserais pas que... Oh, oui, oui, tu m'en avais promis un autre. Est-ce que t'en avais un dernier? Oui. Savais-tu qu'il y a un pesticide très très commun qui peut faire que des grenouilles mâles peuvent sortir des œufs de leur... Fouing! Des œufs. Attends, attends, un pesticide... Très commun. OK. Qui fait que les grenouilles masculines sortent des œufs de leur pouit pouit pouit pouit. Oh ouais. Ouais, ben c'est bizarre. Hein? C'est des recherches récentes qui ont montré que le trazine ou l'atrazine, hein, j'ai pas été voir si c'était masculin ou féminin, qui est utilisé pour tuer des insectes dans plusieurs champs américains, peut non seulement donner aux grenouilles masculines des caractéristiques femelles, mais ça peut aussi les rendre complètement femelles. Complètement femelles. De même, là. Fouing, femelles. C'est connu, ça interfère avec les systèmes reproductifs des animaux. L'atrazine a été bannie à l'intérieur de l'Union européenne depuis les 7 dernières années. La recherche existante montrait que ça peut réduire le niveau de testostérone et la production de sperme chez les grenouilles mâles. Et ça peut même causer qu'ils deviennent attirés par les autres mâles. Mais le potentiel pour une transformation sexuelle complète est une nouvelle découverte. Et ça pourrait expliquer une population mondiale qui... une population descendante, déclinante, comment on dit, qui descend de moins en moins chez les amphibiens. Avec ces développements-là, l'Environment... Pardon, on va commencer ça en anglais, voilà. The Environmental Protection Agency. Environmental Protection Agency. Au troisième coup, je l'ai eu pas si pire, je trouve. annoncé récemment qu'ils vont repenser à leur... qu'ils vont réévaluer l'atrazine pour voir si peut-être qu'ils vont retirer ça. Hein? Je pense que ça serait une bonne affaire. Pas pire, je pense, hein? Ouais. Et voilà pour cet un fait aujourd'hui, François. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. C'était très bon. Ben qu'un! Hein? C'est pas mieux que des pattes de grenouilles dans du beurre. Ouais, faut faire attention, par exemple, où est-ce que les grenouilles ont été pris. Ouais, ouais, ouais. Et s'il y avait de bel et bien de la trazine dans le champ. Miam, une grenouille à la trazine. C'est pas ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Donc, on va tout de suite commencer. Parlant bouffe, tiens, on va y aller avec le guide Michelin, ce célèbre guide qui récompense les meilleures tables. Oui, qui était parodié par le guide du chemin là dans le film L'aile ou la cuisse. Eh bien là, c'est le guide Michelin qui décore un restaurant qui n'existe plus. Ah oui? C'est désolant pour ce restaurant. C'est à Rouen, un restaurateur qui a mis la clé sous la porte a eu la surprise de recevoir une étoile du célèbre guide rouge Michelin. Le restaurant Les Êtres à Ingouville, à Seine-Maritime, qui a définitivement fermé ses portes le 30 décembre dernier, car le chiffre d'affaires n'était pas au rendez-vous. Et puis, Max Bichon ne l'a pas appris tout de suite. Et je cite, c'est un ancien employé qui m'a appelé lundi pour me prévenir. Je suis très content, car c'est une récompense que beaucoup de chefs attendent. Toutefois, il ajuste avec une pointe d'amertume que cela arrive juste un petit peu trop en retard. Oui, naturellement, mais on sait que c'est difficile d'être tenancier d'un établissement de restauration, peu importe le pays, peu importe la province, parce qu'en général, c'est un marché qui est à peu près partout saturé. Prenons Trois-Rivières, par exemple, qui est la ville au Québec où il y a le plus de restaurants par habitant. Donc, si vous voulez ouvrir un restaurant à Trois-Rivières, c'est peut-être pas la meilleure ville où le faire, mais d'un autre côté, il y a presque rien à Trois-Rivières. C'est toujours des stratos ou des gens de faux restaurants grecs. Ben, c'est toujours à la sauce grecque un peu. Exactement, puis c'est pas que c'est mauvais, mais il y en a beaucoup, là, des Stratos, mais aussi des Casa Grecque et des vieux du Lutte et ces choses-là. Et ça revient à peu près toujours au même, là, tandis que des vrais bons restaurants originaux, je déplore qu'il y en ait peu. Il y a pas beaucoup de cuisine vraiment authentiquement française ou des trucs du genre. Non, par exemple. Il y a moyen fusion, de, là. Il y a moyen de trouver un peu d'asiatique du bon sens, surtout, j'imagine, t'avais découvert un restaurant, là, récemment, là, asiatique. Ouais, c'est pas mal, là, mais, tu sais, ça dépend des journées, l'asiatique, hein. Ah ouais? C'est parce que ça, en tout cas, hein, on sait comment c'est des fois, c'est moins frais. Ou... Ouais, naturellement, mais moi, je vais être honnête, la nourriture asiatique, je la préfère quand c'est toi qui la cuisine, Danny. C'est trop gentil. Puis j'aimerais bien qu'à une de mes chroniques culinaires, un mercredi, ça soit plutôt ta chronique culinaire, puis tu nous expliques comment tu prépares cette magie asiatique. Ben, j'embarque, on en reparle. D'accord. Donc, le restaurateur avait, et Puis tantôt, quand tu parlais des restaurants à Trois-Rivières, c'est ça, quand tu dis c'est un marché saturé, la seule façon de faire sa place, je pense, encore en bouffe, c'est de reprendre un endroit qui est déjà, qui est une institution, et puis de élever encore la cote. Oui. Ou sinon, de faire quelque chose de nouveau complètement dans un nouvel endroit, genre un petit village ou un truc très, très terroir là, qui pourrait être vraiment intéressant. Parce que sinon, c'est, comme tu dis, c'est un marché qui est vraiment saturé. Mais il y a moyen de faire quelque chose d'original, puis de brancher, puis de se tailler une place. On voit certains restaurateurs y arriver, mais ils vont souvent mélanger, pas juste le concept du restaurant, ça va être aussi des endroits... Bar, exactement, bistrot, pour être à la mode. Puis le choix des alcools va avoir une grosse répercussion. Exactement, avoir des expositions, des spectacles pour un plus-value, finalement. Exactement, mais aussi, on sait qu'à Trois-Rivières, les spectacles, il n'y en a pas énormément. Une chance que parfois on a Myriam qui vient nous, nous expliquer qu'est-ce qui se passe en Mauricie. Yes, j'espère qu'elle sera là demain. Elle doit aller mieux, là. Donc, le restaurateur avait repris son restaurant en 2009 et employait 4 personnes, 2 pour le service et 2 pour la cuisine. Il souligne que le fait de sa cuisine était de la même qualité avant son prix. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens se réveillent une fois que vous avez seulement le macaron, l'étoile finalement, parce qu'on sait que, surtout en Europe, ici un peu moins, mais en Europe, avoir une étoile Michelin, c'est gage de succès. Oui, tout à fait. Puis je trouve ça dommage pour ce tenancier-là qui a été obligé de mettre la clé sous la porte, au fond, parce qu'on sait qu'il aurait pu éventuellement avoir un établissement réputé, qui se trouverait à être son gagne-pain, mais en plus de ça, c'est un privilège, plutôt une opportunité de découvrir un nouveau restaurant qui n'existe plus. Je veux dire, on n'a plus cette opportunité-là. Puis moi, je déplore justement qu'on perde la diversité au niveau de la bouffe. De la bouffe. Exactement, pour dire les choses simplement. Exactement ça. Sur ce, le monsieur, lui, n'envisage pas à réouvrir son restaurant. Par contre, il va aider sa compagne, qui est elle aussi restauratrice. Et puis, il dit, je vais l'aider en cuisine, sans stress, pas de problème. Il était tanné d'être chef et propriétaire, finalement. Oui, parce qu'en plus d'être cuisinier, il faut être homme d'affaires. Exactement. Donc, on le comprend, ce monsieur français, c'est ça? Oui, exactement cela. Il y en a une qui vient juste à l'instant même de sortir, et puis j'ai le goût de la lire, elle va fitter avec toi. Manifestation seins nus en Ukraine. Ce sont 9 femmes qui se sont présentées seins nus dans un froid polaire devant la principale salle des mariages de Kiev. Et elles ont dénoncé l'attitude d'une station de radio néo-zélandaise qui avait financer le voyage d'un auditeur en Ukraine pour trouver une fiancée. Ah bon? J'avoue que c'est ordinaire, mais les femmes donc ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « L'Ukraine n'est pas un bordel ». L'organisation FenMen, qui défend le droit des femmes, a martelé que les Ukrainiennes n'étaient pas des animaux. Sa patronne, Anna Utsol, a ajouté, et je cite, « Les femmes ukrainiennes ne sont pas des produits et la radio s'appelle The Rock FM. Elle n'a pas pu être jointe pour avoir leur opinion, leur côté des faits, leur version des faits. » Ben, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça avait l'air plus d'un genre de joli petit concours. Là, tu participes. Oui, mais c'est parce qu'on sait que dans ce coin-là, et on sait même, on voit sur Internet, si on navigue un peu, puis surtout de plus en plus ces temps-ci, on arrive sur des sites, trouvez-vous une femme russe, puis des trucs du Russian genre. Girls, ouais, oui, c'est je ça. Sais. Les mariages russes, tout ça. Ben, c'est un peu ça, je pense, c'est qu'ils sont un petit peu tannés de cette image-là. Oui, de cette image-là, mais sinon, en tant que tel, si ça s'était passé ici, je pense qu'il n'y aurait même pas eu de réaction. Je veux dire, ça dépend comment est organisé le concours, mais bon, tu participes, et si tu gagnes, on te paye un voyage, je sais pas moi, aux États-Unis, tiens, parce qu'ici, on est au Canada, et pour aller te trouver une fiancée ou je sais pas, même tu pars en voyage avec la fiancée. Ouais, mais justement, c'est que les États-Unis sont pas reconnus pour être un genre de grange à pitoune pour marier, tu sais. Exactement, sauf que c'est vraiment surtout une question d'image, on est d'accord là-dessus. Oui, tout à fait, c'est carrément ça. Et puis, on va en faire une petite dernière avant de repartir en musique. Peut-être ça ou celle-là aussi va peut-être t'allumer un peu. La glace au lait maternel qui existe, et ben oui, c'est fait, c'est là. Donc, un fou furieux vient d'inventer la glace au lait maternel. Et oui, du vrai lait maternel. Et sous le prétexte que les enfants aiment ça, ils pensent aussi que les adultes vont aussi aimer ça. Ce qui est surprenant, ce n'est pas trop le fait que cette glace ait été d'un petit succès. Les gens sont quand même friands de nouveautés, même si, dans l'article, il dit même si elles sont dégoûtantes. Moi, je pense pas que c'est dégoûtant. Mais qu'une femme ayant donné de son lait mais c'est là qui est plutôt la surprise. C'est où est-ce qu'on prend notre produit là? Oui, mais aussi je suis un peu du genre comme c'est pas le bon produit qui va à la bonne personne. Pour moi, le lait maternel c'est plus une histoire. Même le lait de vache, je suis même pas sûr qu'on soit, tu sais, je veux dire en droit. On est des mammifères. En droit de boire ça, dans la mesure où est-ce que le lait est comme produit par la mère pour nourrir le rejeton en général chez toute espèce de mammifère. Et puis j'ai déjà entendu des scientifiques là à Découverte à Radio-Canada qui remettaient en question là les bienfaits du lait. Ils disaient que c'est pas vrai là que le calcium c'était bon pour les os, que le lait c'était plein de cholestérol, puis que c'était pas fait pour nous autres, mais que c'était fait pour les bébés vaches puis tout. C'est une école de pensée. Moi personnellement, je ne me passerais pas de mon bon verre de lait en déjeunant le matin. Mais le lait maternel, ça je trouve que c'est peut-être un degré plus intense. C'est un peu freak. C'est un peu freak. Mais bon, c'est ça, comme tu as dit tantôt, c'est une école. Il y a plein de gens qui détractent, des détracteurs du lait, d'autres qui sont des promoteurs du lait. Surtout au Québec, l'industrie du lait est tellement forte qu'on ne peut pas réussir à dire que le lait n'est pas bon. Mais on ici. Voit leur on va se faire lyncher. Les publicités à mort moelleux, là, où est-ce que tout le monde boit du lait dans un bas de laine. Tout le monde s'aime, là. Ben oui, exactement. Ça a été d'ailleurs très bien parodié par Marc Labrèche. Tout à fait. Chose aussi, un gars le soir, là, parodié de façon majestueuse. Ah oui, mais lui, il est drôle. J'adore Jean-François Mercier. Moi aussi. Donc, puisque les vaches donnent du lait, alors pourquoi pas une femme? J'ai cru rêver en disant la phrase. Je ne suis pas une femme, non. Mais si je l'avais été, j'aurais fait un peu la gueule, justement, à être une femme. Parce que, comme on dit, comme j'ai dit tantôt, c'est... Comment vont être énumérés? Comment on va dire qu'il faut que vous produisiez tant de quantités de lait? Tu comprends? Mais là, comment atteindre les quotas de lait maternel? Pour moi, ça commence à être comparé là, vraiment un être humain à un animal, ou plutôt le placer dans la même situation. Exactement. Donc, ben, ça fait polémique, mais ça existe. Alors, ben, c'est ça. Informez-vous si ça vous intéresse. Mais beaucoup, ça fait beaucoup de tollé, beaucoup de chiolage. Mais j'avais déjà lu la liste des laits les plus chers et les moins chers. Et Danny, tu vas être surpris d'apprendre que le lait le moins cher, c'est le lait de vache. Oui. Ouais, t'es extrêmement surpris. Je le vois dans tes yeux. C'est, tu sais quoi, le lait le plus cher? Ben, peut-être de chamelle ou quelque chose du genre. Non, il y a plus cher que ça. Okay. Le lait de souris? Oui, exactement. Le lait de souris. Parce que ça produit vraiment pas beaucoup de lait. Quantité. On parle de 1 000 $ le litre. OK. Mais pourtant, dans les Simpsons, il s'est fait arrêter, le gros Tony, parce qu'il faisait... Il vendait du lait de souris aux enfants à Springfield. Oui, je sais, mais les Simpsons, je veux dire... C'est pas un documentaire, ça, Danny. C'est là. Pas un documentaire, même si c'est parfois très judicieux quand même. On va rester justement dans le monde des souris. Ben oui, pourquoi pas? C'est un homme qui utilisait des souris pour mettre en faillite les restaurants concurrents. Oh non! Ça, comme dans Ratatouille un peu. Ah, tu sais, il y a les rats dans Ratatouille. J'ai pas vu Ratatouille, hey, même si je... Toi qui aimes les films d'animation, Charles-André, c'est un devoir. Je plaide coupable. J'ai tellement entendu parler en bien en de bien, ce en film-là. Plus. Puis en plus, t'aimes la bouffe, que tu vas adorer ce film. Donc, c'est lundi, un Pidia Olio de Pennsylvanie a été pris la main dans le sac de souris. Il s'appelle Nicolas Galiatsatos, âgé de 47 ans. Et en effet, a été arrêté pour s'être introduit dans les toilettes de restaurants concurrents de son enseigne pour y déposer un sac rempli de rongeurs. L'homme a eu cette idée, car sa propre pizzeria connaissait les mêmes problèmes. Le méfait avait été repéré au restaurant Verona Pizza, où le propriétaire a remarqué des traces de chaussures sur la lunette des WC, sur le bol de toilette. Et un panneau du plafond avait été déplacé. En regardant de plus près, il a trouvé un sac et craignant que le contenu du sac ne lui cause des problèmes avec la justice, il a donc fait appel à la police pour venir l'examiner et découvrir 3 souris à l'intérieur. Nicolas Galiatsato a ensuite été vu près des poubelles d'un autre restaurant, cette fois-ci, avec un sac contenant des dizaines de souris qui a été retrouvé. Et c'est Michael Chitwood, chef de la police locale, qui a qualifié cet acte de terrorisme alimentaire à l'aide de souris. Mais là, terrorisme alimentaire, hey, ils sont bons pour faire du sensationnalisme. Ah, c'est les Américains, hein? Ben oui, c'est ça. Ça, c'est typiquement les Américains. Mais sinon, là, outre ça, là, le gars là, qui mettait des souris dans un restaurant concurrent, là, y a-tu moyen qu'on lui donne une bonne tape sur la gueule, quelqu'un, là? Si vous m'entendez, là, messieurs les Américains, même mesdames, là, allez-y, ayez pas peur. Le chef de police rappelle que son service n'a jamais connu de fait pareil. C'est classe, ben, là, naturellement. Où des souris sont utilisées comme instrument du crime. Instrument du crime. Non, mais il mériterait une bonne

Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Vu qu'on est proche du dîner, on pourrait parler de vomi, c'est une bonne idée. Pourquoi pas, Danny? Donc, si, parce qu'on en entend beaucoup, en ce moment, on entend parler beaucoup du prince William, le mariage du prince William. Oui, avec la roturière, que ça a pas de bon sens. Moi, sa roturière, je la marierais 100 fois plutôt qu'une. Elle doit être plus riche que moi puis toi, c'est exactement. Clair. Donc, le mariage du prince William, peut-être, justement, ça vous écœure d'en entendre parler. Eh bien, on vient de parler, on vient d'inventer le sick bag, le sac à vomi, finalement, à l'effigie du couple royal. Ah ben, pourquoi donc, pas? C'est un sac en papier qui est distribué aux passagers malade dans les avions ou les bateaux, on le sait. Celui-là est en rouge, il se décline en rouge ou en bleu et est décoré de la photo de William et de sa future femme, Kate Middleton. Il est surmonté d'une couronne et de l'inscription « Throne Hop », jeu de mots construit à partir des mots « throne » et « throw hop », vomir. Oui, j'avais compris le jeu de mots, c'est quand même assez bien. Moi, j'aimerais mieux la version bleue, personnellement. On y trouve aussi la mention « sick bag » à garder sous la main le 29 avril 2011, ouais, qui est la date du mariage. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. C'est vrai que c'est beaucoup trop médiatisé par rapport à l'importance réelle que ça a là, dans la réalité. Dans là, la je parle vie. Dans la vie, là, le ouais, monde. Mais à ce compte-là, je veux dire, détruisons tout ce qui est émission de variété parce qu'on parle tout le temps des artistes puis parce qu'ils ont pété puis parce qu'ils ont ouais c'est vrai t'as raison Danny tout ce qui est humour même des fois moi ça me tue dans un spectacle d'humour mettons grand rire là, ouais. Ou juste pour rire ouais. Quand on fait des jokes sur des situations de vie, sur des choses qui arrivent un peu à tout le monde. Ça parfait, j'embarque. Parce que mais quand on fait chercher des jokes avec Véronique Cloutier ou avec Céline Dion, ou tu sais qu'il y a comme le fond de l'histoire, ça, c'est qu'on nous parle de d'accord. Jet set puis de personnalité qu'on s'en tabarne. Non, je suis d'accord je avec toi, je comprends même Danny. Pas que l'humour aussi, comme ça existe. Moi aussi, ça me fait pas rire, mais ça, c'est l'humour, excusez-moi, qui est destiné vraiment aux imbéciles. Aux imbéciles, au fond de la masse, là, tu sais. Parce que la masse, même la plupart des gens n'aiment pas ça. Exact, parce que tu sais, si je te parle, bon, quand j'arrive, je sais pas moi, aller mettre du gaz, puis m'arrive une affaire, bon, mais ça, tout le monde l'arrive, tout le monde peut trouver ça drôle, tu sais. Mettons Louis-José Hood, ses spectacles sont basés là-dessus, mettent en évidence des petites choses de la vie. Genre faire le microscope sur des trucs. Exactement, puis c'est ça qui a touché les gens. C'est moi, personnellement, c'est aussi venu me chercher, mais j'ai vraiment de la misère avec, comme tu dis, l'humour qui est basé sur... Ou quand on parle des Canadiens, une joke avec les Canadiens, ou avec un gars d'un Canadien qui compte pas assez de buts, puis là, ben, ils font une joke avec son nom. What the fuck? Mais c'est parce que là, ça, c'est que tout le monde écoute le hockey. Pis moi, je veux dire, le hockey, j'aime ça, là, mais je trouve qu'il y a souvent un peu trop de je veux dire... On fait juste parler de ça à certains moments de l'année. Au Québec, là, ça n'en vient vraiment plate et navrant. Puis les émissions, là, où est-ce qu'il y a 3-4 magouas qui s'engueulent sur le hockey, c'est toujours la même chose et c'est toujours inintéressant. Tout à fait. Donc, si on revient à nos sacs pour vomi, oui. Eh bien, c'est la créatrice Lydia Late, 24 ans, qui habite Newcastle en Angleterre, qui n'en revient pas du succès de ses petits sacs. Et ça devait être qu'une farce. Les sick bags sont en effet... donc, ils font un tabac un peu partout sur la toile et elle croule sous les commandes. Donc, ben, c'est merveilleux pour elle. Un produit qui coûte à peu près rien à produire et qui apporte. Et malgré cela, ça fait pas rire tout le monde. Eh bien non. Certains disent que je devrais être traîné dans les rues de Londres. Mais la plupart des gens comprennent que c'est seulement qu'une plaisanterie. Hein? Pas de réaction pour l'instant de la famille royale. Et puis vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben là, c'est peu de choses. Ben, si on commence à s'offusquer pour un sac avec une photo dessus. Moi, c'est même pas une photo, c'est un dessin. Ah ouais, en plus. Bon, il n'y a rien de bien méchant là-dedans. C'est une blague, puis s'ils sont pas capables de l'accepter, ben, ils méritent pas de faire rire. Ils méritent même pas de faire rire deux autres. Mais je pense qu'on va faire rire encore plus d'eux s'ils n'acceptent pas ça. Mais moi, j'ai un grand respect puis une grande estime pour les gens qui ont le sens de l'humour puis qui sont capables d'autodérision, pour vrai. Superbe. Moi aussi. On va y aller avec. Bon, celle-là est passée. Marseille, directrice. Non, je me demande avec l'heure qui avance. Ah, tiens, on va y aller avec ça. À Marseille, une directrice d'une auto-école, Charles-André, vendait les permis de conduire. Oh. Donc, moyennant finance, soit 3 000 €, les candidats au permis de conduire obtenaient le précieux sésame sans passer d'épreuve, pas de problème. Cette femme avait mis en place un système permettant aux candidats de payer une somme forfaitaire, leur assurant une réussite totale à l'examen. Ben moi j'aimerais bien se voir payer. Cool, j'aimerais bien se voir payer puis m'éviter les frasques d'un cours et d'un examen. Exactement, puis là t'es stressé là dans le véhicule, puis t'as l'autre à côté qui t'évalue là, c'est non, je veux dire moi je serais prêt à payer là pour m'éviter ça. Exact. Donc ce sont des moniteurs d'auto-école qui passaient le code de l'examen de conduite en lieu et place des candidats. Toujours selon TF1, le trafic a duré pendant 18 mois. Ça fait quand même plusieurs milliers de dollars. Oui, un an et demi. Et des dizaines de personnes auraient donc ainsi obtenu de manière indue leur permis de conduire. La directrice de l'auto-école, elle, et 7 autres personnes ont été placées en garde à vue. Et parmi elles, des moniteurs soupçonnés de complicité et aussi un homme soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur. De rabatteur, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est comme rôle? Mais tu sais, c'est un article qui vient de France quand même. Des fois, il y a des expressions des termes qui nous qu'on échappent. N'emploie pas. Hein. Des candidats ont ainsi obtenu leur permis alors que pour des raisons médicales, ils étaient déclarés inaptes. Donc, l'auto-école a fermé et la directrice a été écrouée. Bon, tant mieux pour elle, la méchante. La méchante madame. Mais on va poursuivre en musique. Non, on va aller avec une petite nouvelle avant. Ah oui, avant. Ben magnifique, nouvelle, c'est pas pour me déplaire. Tout à fait cute. C'est un chien sauvé de l'eau par des dauphins. Oh, ça c'est beau, des histoires de chiens puis de dauphins. Ah, ça les filles aiment bien ça, puis les enfants. Si Flipper est l'un des dauphins les plus connus du monde entier, eh bien, ceux-là n'ont rien envie à la star des années. Eux autres, ils disent 90. Flipper, man, c'est des années 60. En fait, ils ont réussi à sauver un chien de la noyade. L'accident s'est produit en Floride, aux États-Unis, où un Doberman âgé quand même de 11 ans et répondant au nom de Turbo est tombé à l'eau. C'est un beau nom, chien, il est énervé, ça. Hey, Turbo! Ouais, c'est cool, puis le chien se reconnaît bien. Oui. Alors que sa maîtresse le cherchait désespérément, l'animal ne parvenait pas à s'extraire du canal dans lequel il était tombé. Finalement, des voisins ont entendu des bruits qui les ont poussés à se diriger vers ce canal. C'est à ce moment qu'ils ont pu apercevoir l'animal et ce dernier est en train de se faire ramener vers le bord par plusieurs dauphins et ces derniers l'aidant à rester à la surface. Finalement, l'animal a été sorti des eaux par un voisin. Aïe, aïe. Belle histoire. C'est vraiment une belle histoire et pas juste pour les femmes et les enfants. Dani, c'est une belle histoire pour tous. C'est cute. Mais en fait, ça nous fait, ça nous fait nous remémorer notre cœur d'enfant. La force de la vie. Exactement. Mais moi, j'imagine là, la scène, là, les dauphins qui se... Ils sont là par en dessous puis pour qu'ils remontent. Supporter le chien. Puis c'est intelligent, un dauphin, hein, quand même, comme animal. Comme animal, oui. C'est un mammifère. Oui, exactement. Une belle bête. À ne pas confondre avec les requins qui sont des poissons. On les reconnaît à la façon dont leur queue là, est placée. Oui, exactement. Donc, si elle va comme verticalement, c'est un poisson. Puis si elle va horizontalement, c'est un mammifère. Comme la baleine. Comme la baleine. Qui est le plus gros mammifère au monde. On parle de même 130 tonnes. Le plus gros animal que la Terre porte en ce moment. Oui, ben, en tout cas, à moins qu'on dans les abysses qu'on trouve quelque chose. Mais ça, il semblerait là, que plus tu vas dans les grandes profondeurs, plus les animaux pardon, sont gros. Ben oui, donc, c'est pour la pression. Exactement. Et donc, tu regardes un sterne proche de la surface, c'est gros à peu près comme un stylo. Peut-être même un peu plus petit que ça, c'est gros comme un Q-tips. À plusieurs centaines de mètres de profondeur, les sternes peuvent atteindre 30 centimètres et même plus. Et dans les fonds marins, il semblerait... Abyssal. On peut trouver des sternes de 10 à 11 mètres de long qui sont gros comme un doigt et même plus que ça. Je lisais ça dans le dictionnaire hier. J'ai cherché un mot pour l'orthographe et là, je me suis mis à feuilleter les autres pages du Larousse illustré. Et honnêtement, là, je pense que la prochaine fois que je fais un voyage en avion, je m'amène juste un Larousse. Puis t'es correct. Tout va être correct. Non, c'est vraiment fascinant. Ça fait longtemps que vous n'avez pas mis la main sur un dictionnaire illustré. Là, feuilletez-en un, vous allez voir, il y a plein de choses fascinantes là-dedans. C'est une de mes recommandations du jour. Du jour. Ben merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. Oui. Et voici justement l'ajustement. Présenté par les étudiants du département de chiropratique de l'UQTR.

C'est en effet mon segment de cuisse et vos cerveaux sont sous mon contrôle. Et on sait qu'on est mardi aujourd'hui pour ceux qui viennent de 1er mars! Oui, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, il est présentement midi 14 et on est le 1er mars. Et comme tout bon mardi, ce mardi verra la présentation d'un autre film traitant de la culture rock. Ah, oh, verra! Et bon, on sait que les films traitant de la culture rock, j'adore ça au moins autant que les dessins animés, mais pour ne pas manquer de matériel d'une session à l'autre, j'alterne comme ça. Mais aujourd'hui, je vous présente un film traitant de la culture rock qui est très particulier de par son importance, je dirais. Et je vais tout d'abord vous livrer un léger préambule sur le groupe qui est concerné, c'est-à-dire Led Zeppelin. Parce qu'on sait que Led Zeppelin se passe généralement de présentation, mais bon, je n'aurais pas grand-chose à présenter si ce n'était de Led Zeppelin, le fameux groupe britannique. C'est un groupe de rock fondé en 1600. C'est un vieux band. C'est un vieux band. En 1968, pardon, par Jimmy Page, le célèbre guitariste, et Robert Plant, pardon, le chanteur. Il y avait aussi John Paul Jones qui exécutait la basse et les claviers et John Bonham à la batterie. Le groupe se dissout suite au décès de ce dernier en 1980. Naturellement, il a été retrouvé étouffé dans son vomi comme tout bon rocker décédé avant son temps. À l'exemple de Jimi Hendrix. Oui, exactement. Jimi Hendrix, je pense que c'était même tous les deux dans les deux cas une surdose d'amphétamine là, qui avait conduit à leur état. Mais en général... Une petite vie tranquille. Et donc, à travers un son dominé par des riffs de guitare, un chanteur à la voix puissante et haut perché et une rythmique lourde, Led Zeppelin est considéré comme l'un des premiers groupes de hard rock et comme l'un des pionniers du heavy metal. Et je crois, à juste titre, on considère même parfois que Led Zeppelin est du heavy metal traditionnel. Mais pour moi, c'est peut-être un petit peu trop précoce pour appeler ça du heavy metal traditionnel. Moi, je dirais que cette expression-là commence avec Judas Priest. Hard rock est même mieux choisi, exactement. Même si même parfois, rock pur et dur. Rock, exactement, c'est du classic rock. Exact. Parce que pour moi, Judas Priest serait comme le premier groupe de heavy metal après Black Sabbath, naturellement, parce que Black Sabbath, c'est vraiment les inventeurs du son heavy metal. Oui, c'est bien dit, Danny. Et donc, cependant, l'œuvre du groupe s'est inspirée de multiples sources, transcendant tous les genres. Ainsi, partant d'une base faite de rock, de blues et de folk, des styles aussi différents que le rockabilly, le reggae, la soul et le funk, les musiques classiques celtiques, indiennes, arabes, pop, rock, psychédélique ou country ont été abordés en concert et dans les 8 albums originaux publiés de 1969 à 1979. Et donc, 30 ans après sa séparation, Led Zeppelin continue à être considéré comme un des plus grands groupes de rock en raison de sa réussite artistique, de son succès commercial et de sa large influence. Le groupe a vendu environ 200 millions de disques à travers le monde. C'est très impressionnant comme performance, parce que on sait que les groupes de nos jours qui connaissent le plus de succès dépassent rarement, mais très rarement, les centaines de millions d'albums vendus. Donc Led Zeppelin, un très très grand vendeur de disques à travers le monde, dont seulement 111,5 millions aux États-Unis, donc plus de la moitié de leur albums ont été écoulés aux États-Unis et sur le continent américain. C'est quand même assez exceptionnel pour un groupe britannique. Et donc, la totalité de ces albums a atteint le top 10 du hit-parade américain, dont 6 ont occupé la première place, 7 en Grande-Bretagne. Rolling Stone Magazine décrit le groupe comme le plus lourd de tous les temps et le plus grand des années 70. Peut-être pas le plus lourd de tous les temps, mais certainement le plus grand des années 70. Et bon, aujourd'hui, je vous présente leur film, le film The Song Remains the Same. C'est le premier disque live de Led Zeppelin sorti sous la forme d'album et de film. Et moi, c'est le film que je vous présente aujourd'hui. Aussi, j'avais la cassette. C'est paru en 1976. C'était enregistré au Madison Square Garden à New York pendant 3 nuits lors de la tournée de 1973 du groupe aux États-Unis. Le disque est sorti le 28 septembre 1976. La première du film a eu lieu le 20 octobre 1976 à New York. Il a été présenté à Londres 2 semaines plus tard. Et bon, on voit qu'il y a eu une réédition Blu-ray, toutes sortes de gadgets, mais à la... Sûrement bien des scènes ajoutées ou des trucs... Oui, ben peut-être, je sais pas. Okay, t'as pas vu... J'ai pas mis la main. En fait, pour être honnête, je l'avais en VHS, moi aussi. Okay. Et la qualité est... Quand même très bien. Très bien. pour un VHS. Sinon, si on compare avec d'autres groupes ou d'autres enregistrements live, je dirais que c'est impeccable. Oui, autant... c'était la cassette achetée. Là. La cassette achetée. Oui, le vrai VHS acheté. Oui, exactement. Et donc, la performance qu'a livré Led Zeppelin à cet historique concert de 1973 au Madison Square Garden, autant que les moyens technologiques pour l'époque, qui ont été déployés pour capter le concert, donne un résultat qui est incomparable. Le spectacle qui est livré est vraiment, vraiment magnifique. Et ce qui est intéressant, ce que j'amène aussi, c'est que moi, je trouve que c'est l'introduction au film. L'arrivée du début avec les gangsters puis tout ça, ils sont obligés d'aller faire un concert. Chacun est comme dans son petit monde avec sa famille ou dans son coin de pays. Et puis là, ben, faut qu'ils se retrouvent, les gars, parce qu'on part, il y a une tournée ou il y a un show. Exactement, c'est comme un parallèle qui est fait. C'est vraiment bien. Et c'est ce qui fait, à mon avis aussi, que le film peut être qualifié de film, de long métrage et non seulement d'une captation de concert live, exactement. Et ce n'est pas présenté comme un concert live de Song Remains the Same. Ça nous est vraiment présenté comme un film. Exactement, comme un buzz. Et je dirais que c'est à ce niveau-là mieux que Martin Scorsese, qui dans Shine a Light ne fait que nous servir un concert des Rolling Stones. Rien de plus, rien de moins. Et il essaie de nous faire passer ça pour un film, pour un long métrage. C'est une prétention, à mon avis, qui est fausse. Tandis que ici, dans le cas présent, avec d'abord la scène d'introduction qui est excellente. Les gangsters qui se tirent. Exactement, mais aussi la scène de conclusion qui serait le pendant pour la fin. Mais aussi, il faut le mentionner, les quatre scènes qui ont été filmées pour mettre par-dessus la musique du concert et qui représentent à chacune d'elles un des différents musiciens du groupe. Les symboles de chaque, parce qu'on sait, Led Zeppelin, chaque musicien avait un symbole. Oui. Un genre d'icône, plume, etc. Et donc, etc. Et donc, par exemple, Jimmy Page, qui lui, c'est dans la chanson Dazed and Confused, qui va voir son extrait représenté avec des images psychédéliques d'une espèce de quête spirituelle. Oh, oui. C'est véritablement extraordinaire. Et, l'effet de delay dans l'image aussi qui est intéressante. Là. Ouais. Quand il passe le bras, quand là, il passe le magicien. Le bras, je veux dire, moi, j'y croyais même pas la première fois que je l'ai vu. J'étais subjugué, j'étais hypnotisé par ce film-là. Et donc, tout amateur de rock, même si vous n'appréciez pas particulièrement Led Zeppelin, ce qui serait vraiment surprenant, là, autant que n'importe quel amateur, je dirais, de psychédélisme, va adorer ce film-là. Et donc, je vous suggère, si vous aimez juste ça à moitié, là, Led Zeppelin, ce qui serait encore là très surprenant, ben allez-vous louer ce film-là, comme ça vous allez enfin aimer ça à 100%, comme Danny et moi. Mais j'avoue, parce que moi, ce qui m'a fait vraiment aimer Led Zeppelin, c'est ce film. Ben, parce que la musique, j'aimais ça, mais le film m'a tellement ouvert à justement au côté psychédélique, au côté médiéval, mystérieux. Oui, c'est magnifique. Il y a des tas de thèmes d'ailleurs différents, très variés, qui sont traités durant ce film-là. Et moi, je vais avouer que même si je connaissais la musique de Led Zeppelin avant de voir le film, de toute façon, ça joue tellement. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je connaissais, mais j'étais pas un amateur, mettons. Exactement. Mais moi, j'aimais bien ça, sauf que quand j'ai vu le film, j'ai eu une véritable révélation et c'est cette révélation-là que j'aimerais vous voir avoir, vous aussi, en écoutant l'excellent The Song Remains the Same de Led Zeppelin, un film incontournable pour tout amateur de rock. Je lui donnerais sur le classement là, des films de rock au moins 4 étoiles et demie, si ce n'est pas 5 étoiles. Je dirais j'enlève l'étoile et demie à cause que moi, des scènes tournées qui vont par-dessus la musique du film, j'en aurais mis encore plus. J'en aurais pris encore plus tellement c'était bon. Alors, je fais juste dire, l'imperfection vient du fait qu'on en prendra encore plus tellement c'est bon. Je ne pourrais vous le vanter mieux que ça, cet excellent film de Led Zeppelin. On va l'écouter, Whole Lotta Love. Extrait du dit film et du dit concert. On écoute ça là. Profitez-en. Way down inside. One night, I believe I've told you this before, but one night I was laying down. I hear my mom and papa talking. I hear them say hello. Oh, oh, oh. Them say, oh, that little boy's reached the age of 24, and I don't believe he's a baby anymore. Oh. We gotta let that boy. Boogie mama, boogie.

Merci. Ouais, un peu, ouais. Merci beaucoup. Comme moins froid. Ouais. C'est super gentil. Bon, je vais partir là-dessus. Je trouve que c'est le pic de notre conversation. Ouais. Bye. Hey, merci, coach. Ciao. Et bon match. Ouais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et maintenant, il va avec la crise de la quarantaine qui n'existerait pas. Non, ce serait seulement, comment je pourrais dire ça, une lubie. C'est un mythe. Un mythe. Donc, psychologue à l'université de Brandeis du Massachusetts, Margie Larkman, a expliqué à la chaîne CBS que la crise de la quarantaine n'existait pas scientifiquement. En réalité, cette crise on peut la traverser de chacun à n'importe quel âge, finalement. OK, donc ça serait juste une crise existentielle. Tout à fait. Et c'est souvent après un échec, le décès d'un proche ou tout autre élément perturbateur ou de changement. OK. De son côté, Alexandra Freund, ça ressemble à Freud, mais il y a un N de plus. OK. Chercheuse à l'Université de Zurich explique à Live Science, et je cite, « Il n'y a pas d'âge particulier qui prédisposerait à une telle crise. Il peut arriver qu'à certains moments, les individus cristallisent et considèrent des événements comme particulièrement problématiques. Un état d'esprit qui peut aller jusqu'à provoquer des perturbations très profondes dans leur vie. Les gens font expérience de ce genre de choses, mais les crises ne sont en aucun cas liées à un âge particulier. » Oui, il nous explique ça, sauf que d'un autre côté, j'imagine que la majorité des gens arrivés à la moitié de leur existence, c'est-à-dire à peu près 40 ans, étant donné notre espérance de vie, se disent « Bon, ben là, je suis rendu à mi-chemin, ils regardent derrière Qu'est-ce que je fais, ils regardent devant eux. Puis d'après moi, justement, juste cette situation-là peut engendrer l'espèce de cristallisation des émotions là, dont tu nous parlais à l'instant. Et je me dis, c'est peut-être ça qui fait que la crise, c'est pas tant la quarantaine en tant que telle que les événements que la plupart des êtres humains vont être amenés à traverser vers cet âge-là. Ben, c'est ce qu'ils disent ici, parce que justement, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine serait une période de désillusion qui apparaît lorsque l'adulte se rend compte que sa jeunesse et les valeurs qui s'y rattachent sont derrière lui. Selon Slate, un site internet, c'est en 1965 que la notion de crise de moitié de vie, ce que tu disais tantôt, oui, apparaît avec le psychologue Elliot Jacques. Quant à l'image de l'homme en pleine crise de la quarantaine qui redécouvre soudain sa libido, il ne s'agirait là que d'une image véhiculée par l'industrie médiatique et Hollywood. Ben, je pense que oui, dans la mesure où est-ce que il nous projette toujours une espèce d'idéal esthétique qui est relié à la jeunesse, alors que ça n'a pas toujours nécessairement été le cas. Par exemple, prenons à l'époque médiévale, leur standard de beauté était tout à fait différent. Ils aimaient d'abord les femmes un petit peu plus mûres, pas les jeunes adolescentes comme nous autres, ce qu'on prône comme standard de beauté, mais vraiment les femmes mûres. Femmes. Exactement, dans la mi-trentaine à peu près. Et des femmes fortes. Rondes, mais même fortes dans la mesure où est-ce qu'ils trouvaient ça beau, une femme capable d'enfanter, d'avoir plusieurs enfants. De survivre à cette vie dure quand même de l'époque. C'est une vie extrêmement dure, tu fais bien de le mentionner. Et c'est pour ça, j'imagine, entre autres, qu'ils aimaient les femmes fortes. Mais encore aujourd'hui, il y a des tas de cultures qui adorent les femmes plus rondes. Prenons par exemple les Mexicains qui sont fous des hanches, ou même, je dirais, des cultures moyen-orientales où est-ce qu'ils vont gaver les jeunes filles. Et ça, c'est horrifiant, là. Ils vont gaver les jeunes filles avec du lait pour leur donner une espèce d'obésité, laiteuse. Et une texture de peau laiteuse, oui, Danny. C'est vraiment ça. Et puis, j'ai vu un documentaire à Zone Libre à Radio-Canada, et puis la mère, elle serre les orteils de la petite fille d'une pince jusqu'à ce qu'elle ait pas fini son lait pour la motiver à boire du lait. Puis la petite fille, elle braille à cause qu'elle veut pas finir son lait. Tout ça parce que sa mère a espoir de marier sa fille pour pas qu'elle devienne un fardeau. Tout ça, c'est comme une espèce de gamique. Je trouve ça horrible. On dirait du bétail. Oui, exactement. Puis même là, dans le reportage, c'est dégueulasse, mais il nous montrait ça. Si elle vomit le lait qu'elle est obligée d'ingurgiter, elle doit réingurgiter. Tout ça, non, c'est vraiment horrifiant et moi, je trouve ça abject, Danny. Donc, c'était mon laïus du jour. Déplore cela. Oui. Un psychologue chinois fait justement, on va aller dans ce coin-là, un psychologue chinois fait sa propre promotion à l'aide d'un mannequin en bikini. Ben, pourquoi pas? Ben, c'est une bonne idée. En janvier dernier, un psychologue chinois a eu l'idée étonnante pour se vendre dans une ville de Shenzhen. Il s'est installé dans la rue, tranquillement assis sur une chaise, avec ses côtés, une jeune femme vêtue de sous-vêtements rouges. Cette dernière tenait une pancarte où l'on pouvait lire « Trésor national, spécialiste de la maladie mentale, salaire annuel de 10 millions, recherche acheteur ». Et puis, les effets de la campagne ont mis quelques minutes à se faire sentir. En effet, les badauds ont immédiatement commencé à prendre des photos et au fur et à mesure, une petite foule s'est créée, alertant ainsi les journalistes. D'après le 20 minutes... Non, c'est parce qu'il y a un journal... après 20 minutes, pardon, la jeune femme s'est rhabillée alors qu'elle avait la peau rougeoyante à cause du froid. L'homme a expliqué qu'il s'est inspiré d'une télé-réalité chinoise et d'un certain roi des idées dont il avait entendu parler. Il avait reçu 1 million de yuan, après être passé dans l'émission. Le psychologue, lui, estimait avoir 10 fois plus de talent et n'avait pas de travail, donc a décidé de se vendre dans la rue lui aussi, et avec succès, ça a l'air. Ben, tant mieux. On sait qu'en général, se vendre dans la rue, ça peut être très... ça peut être dangereux. Ça peut être très malheureux, très dangereux, mais ça peut aussi vous permettre de faire fortune. Prenons par exemple le cas de notre chanteur country de la Beauce qui fait du porte-à-porte pour vendre ses... Fidèle la chance. Fidèle la chance, qui vend ses cassettes, bien enregistrées, ces cassettes-là. Il devrait s'engager le cow-boy, puis le cow-boy danserait pendant que l'autre chante. Ouais, peut-être, sauf que ça nuirait peut-être à son image, parce que le cow-boy... Il y a un petit côté freak dérangé. C'est pas qu'il est pas viril, mais... Mais il semble homosexuel. Il semble homosexuel, puis je pense pas que ça ferait l'affaire de Fidèle Lachance de faire sa promotion. Non. Je pense pas que Fidèle Lachance soit quelqu'un d'extrêmement ouvert par rapport à ces choses-là. À l'homosexualité. Non, en effet, ça m'étonnerait fortement. En tout cas, il est très ouvert à la fidélité, parce que c'est très important au travail puis en amour. Au travail puis en amour. Avec les collègues. On vous réfère à l'excellente entrevue dont on parle, celle qui avait été faite par mademoiselle... Je me rappelle plus. Madame Annette. Annette était tellement compétente pour interviewer. Elle trippait vraiment dessus, en tout cas. Oui, c'est bien enregistré, cette cassette-là. Ah oui. Et puis, peut-être que ça lui donnera le goût d'acheter de la lingerie à votre compagne et de gagner un striptease. Oui, j'avais entendu ça en début d'émission. Ça m'intrigue. Ben oui, on vient de passer la Saint-Valentin. On sait que c'est souvent un calvaire pour les hommes, car il faut choisir le cadeau de la compagne sous peine de se voir passer un bon savon, et le tout dans des domaines plutôt inconnus de la gente masculine. Parce qu'on n'est quand même pas les meilleurs pour aller acheter des brassières ou des bobettes. Hein. Oui, c'est vrai. Hein. Il faut savoir... Les gars, la plupart du temps, ont des bobettes slack avec des trous dedans. Tu sais. Ben, c'est mon cas, mais c'est parce que je pense que quand tu choisis des sous-vêtements pour ta copine, il faut vraiment que tu saches ses mensurations. Là. Vraiment bien. Donc, c'est notamment le cas, justement, dans l'achat de lingerie. Et pour motiver et récompenser les hommes qui ont fait ce choix, la marque allemande Liaison Dangereuse a eu une étonnante initiative. En effet, là, avec tout achat de lingerie sur son site Internet, bien sûr, elle offrait un striptease d'un de ses modèles, amoureuse, scandaleuse ou sérieuse, une fois la fille choisie. Celle-ci apparaît à l'écran et vous aguiche donc afin de vous faire payer. Une fois la transaction réalisée, elle vous récompense d'un joli effeuillage intégral. Ben, c'est bien ça. C'est une bonne idée, moi. J'aurais trouve. Pensé que c'était vrai. Là, tu te rends comme une boutique de lingerie, puis si t'ajoutes des bobettes puis des soutiens-gorge, il y a une fille présente qui l'essaye puis qui après ça le désessaye pour toi. Mais ça, oui, mais bon. Mais ça, je suis sûr. De toute façon, il y a déjà des salons de coiffure topless. Fait que je me demande pourquoi il n'y aurait pas ça non plus. Je lance l'idée. Ben, c'est ça, mais Guette, on peut quand même y aller, hein, parce qu'on ne sera pas les seuls. On nous dit que, justement, pour notre propre bonheur, messieurs, eh bien, la marque Liaison Dangereuse a vu son trafic sur son site augmenter de 150%. Ah, ben, on les félicite. Et puis, ses ventes de 50%. Fait que c'est quand même bien. Ça a été une bonne initiative, finalement. Promotionnelle, oui, même une initiative extraordinaire compte tenu du rendement que ça leur a procuré. On les félicite. Tout à fait. Hey, midi 57, j'avais encore quelques petites nouvelles, mais il nous reste plus assez de temps. Ah, c'est ma faute, j'ai trop fait passer de rock classique. Le rock classique, le maudit rock classique. Je vous parle de Libido TV. Je vous fais juste le lire de le titre comme ça. C'est une nouvelle chaîne qui parle de sexe sans complexe. C'est dans le paysage audiovisuel français. Une nouvelle chaîne vient de faire son apparition classée dans la catégorie X. Libido TV promet du sexe, de l'humour et surtout de la légèreté. On a une femme britannique qui retrouve une bague perdue quelques semaines auparavant dans le ventre de son chien à l'aide d'un détecteur de métaux. C'est quand même assez amusant.

Hein, c'est-tu pas une belle histoire, ça? Moi, j'aime bien les histoires de nains comme ça. Ça fait du bien à entendre. On va aller dans le monde de l'art, l'origami, et puis surtout du côté des États-Unis d'Amérique. Un homme plie des billets de 1 $ pour faire passer ses messages. Donc, c'est un artiste. On nous dit, justement, que c'est fou ce qu'on peut faire avec un billet d'un dollar. Et cet artiste, célèbre, s'inspire de ce billet américain, donc tant prisé de tous les touristes. On le sait, le drapeau de 1 $ est avec le drapeau étoilé de la Statue de la Liberté, l'un des emblèmes des États-Unis d'Amérique. Alors que les touristes conservent un exemplaire pour le souvenir, des millions sont imprimés chaque année pour soutenir l'économie américaine, bien sûr. Pourtant, il peut aussi faire passer des messages à travers des œuvres d'art étonnantes, et c'est ce que je vous invite à aller voir sur la page Facebook du Dîner de cons. Justement, on a des messages... par pliement, OK, on fait ressortir des lettres et des bouts de mots pour créer de nouvelles phrases. Et puis, justement, on doit ces fantastiques réalisations de l'art de l'origami à l'artiste Dan Tag, qui parvient à faire des pliages avec un billet d'un dollar afin d'extraire des phrases pleines de sens. Grâce alors au célèbre billet vert, l'artiste crée des phrases comme « State of Fear ». Si vous aimez mieux l'état de la peur, on a American Idol ou encore Freedom Land, donc une terre de la liberté. Je suis allé en voir quelques-uns sur Internet. Il y en a un qui s'appelle United Stand, donc qui veut dire bien sûr restons unis. On a Nothing to Fear, peur de rien. On a Freedom Land, je l'avais dit tantôt. American Idol, bien sûr. Cela était déjà dit. Love and Hate. Donc, c'est toujours en pliant le billet de 1 $ d'une façon un peu spéciale qu'on réussit à faire dire un peu ce qu'on veut à ce billet. On a aussi State of Fear, je l'avais dit tantôt. Et puis... Less we forget, donc nous nous souviendrons. Allez voir ça sur la page Facebook du Dîner de cons, très intéressant. Et peut-être amusez-vous vous-même avec un billet d'un dollar pour voir si vous pouvez faire dire quelque chose d'autre à votre argent. On apprend pourquoi les singes capucins se lavent-ils avec leurs urines. Eh bien oui, c'est comme ça. C'est un certain nombre de singes, dont les capucins, qui ont l'habitude d'uriner dans la paume de leurs mains, puis de se frotter vigoureusement les pieds et l'arrière-train avec un étrange rituel, donc auquel les scientifiques n'avaient encore jusqu'ici trouvé aucune explication unanime. Avançant que l'urine pouvait servir à maintenir la chaleur corporelle ou à identifier les individus par leurs odeurs. L'équipe de chercheurs de l'Université de San Antonio, dirigée par le primatologue Kimberly Phillips, a donc tranché sur la question en explorant l'hypothèse sexuelle déjà abordée par une précédente étude. Et je cite ce monsieur Kimberly Phillips, « Étant donné que les femelles capucins sollicitent activement les mâles quand elles sont en période de fertilité ou de rut, nous avons émis l'hypothèse que la toilette à l'urine des mâles fournissait une information chimique aux femelles sur leur statut sexuel ou social. Cette théorie a pu être confirmée en passant le cerveau des femelles à l'IRM, bien sûr, image à résonance magnétique, alors qu'elles étaient soumises à l'odeur d'urine provenant de mâles adultes ou plus jeunes. » Il en résulte que les femelles capucins sont plus attirées par une urine des mâles adultes ou ayant un statut élevé qui sécrètent plus de testostérone dans leurs urines. Se laver donc à l'urine serait un mode de communication sexuelle pour ces singes capucins et leur manière à eux d'acheter un bouquet de fleurs ou d'inviter madame au restaurant ou à passer une bonne nuit, en quelque sorte. Hein? C'est très intéressant, donc, les singes capucins. Moi, je vous conseille pas de faire la même chose, messieurs, avant de sortir. Mais bon, on sait jamais, hein? On est quand même des animaux à prime abord. Tantôt, juste avant d'aller en pause publicitaire, je vous invitais à vous rendre sur la page Facebook du Dîner de cons. Mais comment se rendre là-bas, les enfants? On va sur cifou.ca! Et ensuite? On clique sur le Dîner de cons! Quoi? On clique sur le Dîner de cons! Et ça mène où, tout ça? Sur la page Facebook du Dîner de cons! Bon, tu veux, c'est simple. On se rend sur cifou.ca puis on clique sur la photo du Dîner de cons. Si on sait lire, là, c'est pas dur. Donc, on se rend là, et puis on découvre quelque chose d'assez intéressant. C'est The Tron Lebowski. Vous connaissez bien Jeff Bridges, hein? Il n'a pas eu d'obscure pour son incarnation du Duke, finalement, dans Le Grand Lebowski, ou en anglais, The Big Lebowski, qui était un film, ma foi, excellent. Et Jeff Bridges, qui est un excellent comédien, Eh bien, il n'y a pas eu d'Oscar pour ce film. Et il n'y en a pas eu non plus pour sa prestation dans, dans Tron. Mais en revanche, il aurait pu avoir sûrement un Oscar pour le fumeur de pétard qu'il interprète coincé dans un système informatique. Donc, un mélange entre le grand Lebowski et Tron. C'est à voir sur la page Facebook du Dîner de cons. C'est très, très drôle. Je vous invite vraiment à aller voir ce petit film. Sinon, eh bien, on apprend qu'il y a une grand-mère, bientôt grand-mère à 29 ans. C'est quand même pas vieux. Même 29 ans pour être parent de nos jours, c'est pas si vieux que ça. Mais bon, c'est une jeune fille de 29 ans qui s'apprête à devenir la plus jeune grand-mère de Grande-Bretagne. Alors qu'elle avait qu'une quinzaine d'années, Kelly John a donné naissance à son premier enfant, une fillette appelée Tia. Et cette dernière est aujourd'hui âgée de 14 ans et elle est enceinte à son tour. Hein? On répète souvent nos modèles. Alors, ben c'est ça, hein, une nouvelle qui ne réjouit pas nécessairement la future grand-maman qui espérait que sa fille ne produise pas les mêmes erreurs qu'elle, mais bon, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Tia, de son côté, ainsi que son petit ami de 15 ans, ont fait savoir qu'ils prendraient leurs responsabilités avec sérieux, et cela en dépit de leurs âges. Un discours auquel le père de l'adolescente ne croit pas, comme il l'explique dans le journal News of the World. Et je cite, « J'espérais aussi assurer mon rôle à l'époque et devenir un père exemplaire, mais... je n'étais moi-même qu'un enfant. À 15 ans, on n'est pas responsable. C'est plate, mais c'est comme ça. » Kelly revient, elle, sur la façon dont elle a appris la grossesse de sa fille. C'est en découvrant un test positif et elle espère toutefois que malgré les événements, sa fille pourra tout de même obtenir son diplôme, l'équivalent britannique, bien sûr, du brevet des collèges en France. La naissance de l'enfant est prévue pour le mois d'août et la famille comptera alors 6 générations puisque l'arrière-arrière-grand-mère de Tia est aujourd'hui âgée de 92 ans et est toujours vivante. Belle histoire quand même. Mais bon, hein, moi non plus, je pense pas qu'être parent à 14-15 ans, c'est la meilleure idée. Mais bon, hein, c'est seulement mon avis comme ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Regardez les gars comme si j'essayais de remplir du temps ou comme si vous saviez pas trop où je m'en allais ou... C'est un peu ça, hein? Ben, non. Non. Non. Bon. Donc bonjour Simon Fitzbé. Bonjour Mathieu Plante, bonjour François-Olivier Marchand. Bonjour Simon Fitzbé, tabarouette. Tabarouette. Ça va bien? Oui, vous autres. Yes, sir. Toujours, quand on a des tabarouettes dans le coin, ça met de bonne humeur. Oui! Ouais! Ouais! Bon, petit... Simon Fitzbé, ah, les blagues aujourd'hui, c'est, François, tu nous imites plein de gens. Là. T'es un vrai Jean-Michel Anctil. Un sac à blagues. Oui. J'aime mieux sac à blagues que Jean-Michel Anctil. Ah, c'est moins méchant. Donc, t'as la même coupe que lui. La petite crête en avant. Hey. Donc, je vais dire pour une 12e fois, Simon Fitzbé, bienvenue. Bonjour. Avec ta collègue Phénomène, tous les jeudis matin, tu nous présentes un autre des phénomènes du rock. Et là, tu commences une nouvelle série de deux chroniques. Oui, on va avoir deux chroniques sur un des grands hommes de la musique. Et vous savez, l'histoire de la musique est remplie de figures iconiques, des plus grands que nature. Bien que depuis l'automne, nous nous soyons arrêté, surtout les personnalités des groupes américains ou britanniques. Un personnage intriguant et fascinant mérite notre intérêt. Donc, messieurs, cette semaine, nous attarderons au plus grand chanteur de charme français, au plus incompris et des provocateurs et au plus passionné des auteurs-compositeurs. En fumée de gitane, je vous présente les débuts d'un homme qui nous a quittés il y a 20 ans, le 2 mars 1991, donc pratiquement dans les dates, Serge Gainsbourg. Oui. Yeah! Donc, Serge Gainsbourg est né à Paris sous le nom de Lucien Ginsberg. En 1928, ses parents sont immigrants russes et son père est pianiste professionnel dans les bars. Il est le cadet de sa famille. Alors qu'il est encore jeune, il obtient ses premières leçons de piano de son père, bien sûr. Et par contre, il n'est pas nécessairement intéressé par le gang-pain de son père. Il s'intéresse plutôt à la peinture. Donc, il était toujours artiste dans l'âme, mais vers un autre style.

l'association France Presse. Je cite encore, « La nouvelle communication que rendra possible cet objet en faisant ressentir la présence humaine peut contribuer à modifier notre façon de vivre, tout comme l'a fait Internet et le téléphone mobile. Ce téléphone anthropomorphe devrait être commercialisé à partir de 2016. » Je vais tenter d'aller mettre les images là, sur la page Facebook du Dîner de cons dans quelques instants. Parlant d'images, tant qu'à vous rendre sur la page Facebook du Dîner de cons, eh bien, je vous invite, elles sont déjà là. Eh bien, c'est des images étonnantes d'alcool vues au microscope. On pourrait croire que ces images sont l'œuvre d'un peintre surréaliste, mais il s'agit tout simplement de gouttes d'alcool capturées au microscope. C'est le scientifique Michael Davis, chercheur de l'Université de Floride, qui s'est amusé à saisir au microscope des gouttes d'alcool comme le champagne, la vodka ou encore le whisky pour nous en révéler, pardon, toute leur vraie beauté cachée, grossie plusieurs fois. Elles se révèlent alors particulièrement étonnantes entre images kaléidoscopiques et peintures oniriques. Utilisant un appareil photo attaché à son puissant microscope, Michael Davis est parvenu à saisir des détails vraiment incroyables où les alcools se montrent à nous sous un nouveau jour riche d'une multitude de couleurs et de formes. Et puis ben après ça, il sera assez difficile de commander seulement qu'un vin blanc ou une vodka tonique sans penser à ces superbes clichés. Donc hein, on le sait, le jeudi des fois il est bien arrosé dans les 5 à 7. Et bien peut-être que vous avez une œuvre d'art, vous êtes en train de boire des œuvres d'art, c'est merveilleux. On va y aller avec une petite dernière comme ça à 11h48 avant de poursuivre en musique. Et bien c'est un fœtus appelé à comme témoin pour justifier l'interdiction à l'avortement. Ben oui, ça se passe où? C'est normal. Aux États-Unis, dans l'Ohio, un des partisans de l'interdiction de l'avortement ont décidé de faire intervenir un fœtus, de 9 semaines devant la Chambre d'État de santé du comité. Le but est de prouver que son cœur bat et ainsi faire passer une loi interdisant les moyens d'interruption volontaire de grossesse, le Heartbeat Bill. Selon le Dayton Daily News, le groupe Faith to Action et d'autres groupes anti-avortement appuient cette initiative qui avance à 18 jours la limite d'avortement possible, c'est-à-dire à partir du premier battement de cœur. En clair, cela signifie qu'il serait plus possible d'interrompre la grossesse avant même de savoir qu'une femme est enceinte. Toutefois, selon la presse outre-Atlantique, il y a peu de chances que la loi soit adoptée. Cela n'a pas empêché tous les partisans de se rendre à la Chambre d'État de santé du comité pour défendre leurs idées et pour le plus grand désarroi, bien sûr, des personnes favorables à l'avortement. Melissa McEwana est l'une d'entre elles et a décrit sa colère au blog Shakeville. Je la cite, « Ce projet de loi n'est rien de plus que du terrorisme parrainé par l'État, la défense d'une idéologie violente. Et si une femme peut ramener son fœtus pour témoigner, ce serait un sacré numéro de cirque, dit-elle. » Quand même, faites-vous votre idée. Mais bon, des fois, on est mieux peut-être d'avorter que d'élever un enfant dans un milieu pas nécessairement favorisé. Puis je parle pas d'argent, je parle plutôt de temps et d'amour qu'on peut donner à ces petites bêtes-là. Hein, en tout cas, je trouve que on a besoin de permis de conduire pour conduire des véhicules, mais pas besoin de permis pour accoucher et pour élever des enfants. Un petit problème. C'est plutôt là, je trouve, le problème. On apprend que les chiens aideraient les enfants à mieux lire. Et puis, hein, vous allez être chanceux, vous allez être content. Et moi surtout, Danny, ben oui, Danny est un lévrier et est devenu le meilleur ami des enfants d'une école située dans la ville de Tamworth, en Grande-Bretagne. La présence de l'animal dans les locaux de l'école et dans les classes a pour but de pousser les enfants à lire à voix haute, racontant des histoires à leurs amis à quatre pattes et ainsi pratiquer leur lecture. L'initiative est née aux États-Unis et a été baptisée, ça fait longtemps qu'on entend ce nom-là, la zoothérapie. Et elle part du principe que la présence d'un animal auprès de l'homme est bon pour sa santé. Dans le cas de cette école britannique, il s'agit là d'une thérapie homéopathique qui est mise en place, comme l'explique le professeur de primaire dans le journal The Guardian. Selon lui, les enfants peuvent plus facilement lire et s'entraîner à voix haute auprès d'un chien sans éprouver l'appréhension à l'idée d'effectuer le même exercice devant un public plus enclin à le juger. C'est clair que quand il y a plein d'oreilles qui t'écoutent, et puis des oreilles des fois adultes ou des oreilles qu'on connaît moins, ben ça peut être un peu plus gênant car bien sûr, Danny le lévrier ne tient pas compte des erreurs des petits gamins et ne se moque pas non plus de leurs élocutions. Ce chien de lecture fait aujourd'hui la fierté de son propriétaire, Tony Leavitt. Et je le cite, ce monsieur Leavitt, il nous dit « Certains enfants montrent même des images à Danny. L'animal choisi est un lévrier à poil court, ce qui limite le risque d'allergie. » On le sait, à cette heure, les enfants sont même allergiques à la peinture et au plastique, je pense. Il a subi un entraînement de 5 mois pour pouvoir devenir un chien de lecture. L'apport de l'animal est indéniable. Récemment, nous avons observé des progrès de diction saisissant chez une petite fille trisomique réellement prise d'affection pour Danny. Danny le chien, bien sûr. Sur ce, on continue. On apprend, comme tantôt, comme je vous disais, on apprend quelque chose qu'on sait déjà depuis des millénaires et depuis que la Terre est Terre. Eh bien, c'est qu'à la maison, les femmes décident, c'est elles. Et chez vous, eh bien, c'est une étude faite en Angleterre auprès de 3000 couples qui vient de nous le confirmer. En effet, ce sont les femmes qui décident ce que l'on va manger, ce que l'on va vivre quand la famille s'agrandit, où on va partir en vacances, comment dépenser l'argent commun, etc. Donc, elles imposent aussi la façon de passer son temps libre en amoureux, le moment d'aller dormir et par conséquent, la température de la maison. Et puis, 6 hommes sur 10 reconnaissent que leur partenaire avait un contrôle total sur le moment et la fréquence de leur rapport sexuel. Rien de moins. Et les hommes, eh bien, ils reste le choix du programme télé, mais encore, ils ne prennent jamais de responsabilité quand il s'agit de leur santé ou de leur alimentation et laissent le choix à leur femme pour tout ce qui est nourriture. Bon, à pire, 1 homme sur 2 demanderait la permission à leur partenaire avant de boire un verre. L'enquête révèle même une chose très importante, c'est que les femmes savent utiliser full d'astuces pour arriver à leur fin. Je vous laisse deviner. Et alors, chez vous, c'est qui le chef? Je devrais dire, c'est qui la chef? Alors, c'est ça. Hein? Une petite nouvelle qui en est pas une, mais bon, qui est quand même intéressante. Et puis, c'est clair, c'est net, c'est précis et c'est démontré dans une étude. On va y aller avec une petite dernière avant de s'en aller en musique. Eh bien, ce sont les gendarmes de l'île d'Oléron qui viennent d'arrêter l'auteur d'un des plus gros vols d'huîtres d'histoire. En décembre 2010, à février 2011, cet homme de 51 ans a mis la main sur 14,4 tonnes d'huîtres, donc 20 000 douzaines d'huîtres, si vous aimez mieux. Et ce pêcheur à pied professionnel était habilité par les affaires maritimes à nettoyer les parcs abandonnés. La tentation était forte pour l'homme. Il voulait vraiment nettoyer les parcs voisins. Lorsque la marée a baissé, et je cite, je n'en ai pas cru mes yeux. Tout avait disparu. Sur plus de 300 mètres, le gars a vraiment ratissé large, raconte un ostériculteur victime du cambriolage. L'homme était quand même aidé de 3 complices. Ils auront ensuite revendu 3,5 tonnes d'huîtres sur le marché local et le reste a été placé chez un ostériculteur sous prétexte de honorer une dette. C'est là d'ailleurs que les gendarmes ont retrouvé le butin qu'ils ont pu restituer à leur propriétaire. Le vol d'huîtres dans le bassin de Marennes-Oléron est en augmentation constante et plus de 20 cas ont été recensés d'octobre à janvier dernier. Le gendarme de Rochefort va être aidé par un renfort en hélicoptère, un bateau à fond plat leur permettant de naviguer dans les parcs à huîtres. Hein, quand même assez intéressant. C'est un monde qu'ici, on ne connaît pas vraiment. Là, quand même, à Trois-Rivières, il n'y a pas beaucoup de parcs à huîtres. Et on s'en va tout de suite dans le monde de l'actualité. Pas nécessairement inutile cette fois-ci, car on le sait, le printemps approche et puis plusieurs d'entre vous, d'entre nous, se mettent à jardiner. Hein? On est des jardiniers amateurs. Eh bien, on vous annonce les dangers des pesticides. Donc, une campagne officielle est lancée. C'est la prise de conscience de la toxicité des pesticides qui s'avère très faible chez les jardiniers amateurs qui recherchent avant tout des produits efficaces. Donc, le ministère de l'écologie constate, il y a un ministère de l'écologie en France, c'est pour ça, d'où le lancement de cette année encore de la campagne « Les pesticides, apprenons à nous en passer », visant à informer des dangers que représentent, bien sûr, ces produits pour la santé et, bien sûr, pour l'environnement. Et on propose surtout des solutions alternatives. Ça cible, les organismes gérant cimetières, voiries, parcs, terrains de sport, aéroports, aéroport, pardon, ainsi bien sûr que les jardins des particuliers, hein, c'est bien sûr comme ça. Parmi ces derniers, au nombre de 17 millions en France, on parle des jardins amateurs, eh bien, on utilise 5000 tonnes de pesticides chaque année sur ces 17 millions de jardins. Donc, 32% estiment que ces produits sont dangereux, tandis que 20% pensent qu'ils sont sans aucun danger. Pour cette campagne, donc, de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre du plan Ecophyto 2018 de réduction de 50% de l'usage de ces substances, eh bien, l'État collabore avec des collectivités locales, les associations, les médias, les professionnels sur diverses initiatives telles ce colloque prévu en mai à Montpellier sur le thème « Jardiner autrement, considérer le jardin comme un véritable écosystème ». Donc oui, je sais, ça vient de la France, ça vient de l'Europe, mais faites attention, ici c'est la même chose. Il y a plein de façons alternatives pour se débarrasser ou pour, pas nécessairement débarrasser, mais pour contrôler nos envahisseurs dans nos jardins. Et puis surtout, conserver la santé, hein, et puis protéger notre environnement. Assez important, je pense qu'on le dira jamais assez. On va aller du côté du monde technologique, eh bien, le iPad 2. Bien oui, deuxième épisode de cette fameuse bataille des tablettes. Un an après la sortie de l'iPad 1, bien sûr, qui s'est écoulé à près de 15 millions d'exemplaires dans le monde, eh bien, de nombreux modèles ont été présentés, notamment lors du sommet de l'électronique grand public au CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas qu'on connaît et qui a lieu en janvier. Selon PRTM, il n'y avait que 30 tablettes sur le marché à la fin de l'année 2010, mais maintenant, c'est plus de 100 qui sont actuellement ou en vente ou en développement, avec 55% de ces modèles annoncés sous Android. Bien sûr, système d'exploitation de Google. Ça apparaît comme un des plus sérieux concurrents à l'OS de Apple, qui équipe un iPad, bien sûr. Au début du mois de février, Google a présenté la version 3.0 d'Android, spécialement adaptée aux tablettes tactiles. Équipée de ce système, la tablette Zoom de Motorola vient de sortir aux États-Unis. Samsung avait été l'un des premiers à lancer une tablette Android et 2 millions d'exemplaires ont déjà été vendus, selon ce groupe sud-coréen. Mais bien sûr, on connaît le groupe canadien Research in Motion, connu bien sûr pour ses smartphones BlackBerry, compte aussi lancer son Playbook avec son propre système d'exploitation. Assez intéressant, donc ça ne roulera pas sous Android ni sous l'OS de Apple. HP, lui, leader de l'informatique, a aussi présenté en début du mois de février une nouvelle tablette informatique baptisée le Touchpad, utilisant le système d'exploitation de feu, le fabricant d'assistants personnels Palm, pour concurrencer l'iPad d'Apple. Donc, une guerre qui naît sans fin et puis qui met en jeu des millions et des milliards de dollars. Eh bien, j'ai trouvé un article qui est quand même assez sympathique par rapport à l'iPad. L'article s'intitule « Mon iPad ne sert à rien ». Hein, c'est une phrase un brin provocante. Donc, c'est le titre d'un article paru sur Slate.fr. Et puis, je vous invite à visiter ce site-là, Slate.fr. Vraiment un excellent site de nouvelles totalement insolites et de tout acabit. Donc, le journaliste avoue ne pas utiliser son investissement de 600$ claqué, bien sûr, pour faire comme tous les autres et avoir un fameux iPad. Et je cite cet homme, « Une essoreuse à salade aurait été un investissement plus judicieux et je ne mange même pas de salade. » écrit-il. Le ton est amusant, légèrement acide, comme vous le voyez, mais la question de fond est derrière et quand même est intéressante. Les tablettes sont récentes sous le feu des projecteurs. Elles bénéficient d'une couverture médiatique vraiment considérable. On en parle depuis tantôt, même ici. Une bonne pub totalement gratuite dont raffolent tous les constructeurs. Apple en premier, on le sait. Mais finalement, ceux qui ont acheté une tablette, autant un Apple, un Samsung ou un Android ou n'importe quoi, eh bien, l'utilisent-ils vraiment et assez? Donc, votre avis nous intéresse. Allez sur la page Facebook du Dîner de con et puis donnez-nous nom, justement. Est-ce que vous l'utilisez, votre iPad? Hein? Parce que moi, en tout cas, c'est ça, c'est un gros téléphone. On va peut-être voir. La nouvelle m'avait fait quand même bien sourire. On va aller... celle-là était excellente, cette nouvelle. Vous savez, en ce moment, il y a tellement d'émissions de cuisine. Et puis, ça fait mon bonheur parce que j'aime faire la cuisine. Et puis, c'est merveilleux. Il y a des succès, là. Regarde, un souper presque parfait, Masterchef, etc. Eh bien, maintenant, on veut produire une nouvelle émission qui est, dans le fond, qui existe déjà. Une version française, l'émission existe déjà en Grande-Bretagne et ça s'appelle justement Great British Waste Menu. Donc, c'est une émission qui vous propose de préparer un menu avec le contenu d'une poubelle ou des poubelles. Donc, émission culinaire typiquement anglaise. Vous allez comprendre pourquoi. Le concept est simple, cuisiner des plats avec ce qu'on trouve dans les poubelles. Les concurrents doivent faire leurs emplettes dans les containers des grandes surfaces, des marchés et même chez les particuliers. C'est pas très ragoûtant, mais bon, à partir de quelques ingrédients de qualité, ils doivent préparer un menu digne des grands chefs. Les grands chefs anglais, on sait que la cuisine anglaise... En tout cas, on en passe. Il y aurait donc aussi un aspect pédagogique, faire prendre conscience aux consommateurs du gaspillage de la nourriture. En effet, il est souvent impressionnant de voir des quantités de produits alimentaires jetés comme ça, à qui mieux, aux ordures. Par contre, réassaisonner les restes retrouvés dans les poubelles... on le sait, l'article vient de France, pays où la gastronomie est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi où les gens trouvent leur nourriture quotidienne dans les poubelles. On se demande si cette émission aura une audience en prime time. Et alors, justement, encore comme tantôt, que pensez-vous de ce concept d'émission? Si vous voulez nous laisser votre avis, la page Facebook du Dîner de con est là pour ça. Ça va vite. Et puis, une nouvelle un peu moins réjouissante. Mademoiselle Dior a été l'épouse comblée d'un nazi britannique. Et on apprend ça depuis le scandale provoqué par les propos antisémites tenus par un John Galliano très alcoolisé, donc qui a passé de la maison Dior... le passé de la maison Dior. On sait Christian Dior, grand designer, tout ça, ressurgit. Et c'est tout particulièrement par une vidéo de Françoise, la nièce même de Christian Dior, qui annonçait ses fiançailles avec Colin Jordan, un des chefs de file du parti nazi anglais. Et ce film tourne sur le net, et puis le film s'est passé en 1963. La demoiselle raconte sa rencontre avec son futur mari. Je la cite, « J'étais enthousiasmée parce que j'étais déjà une nationale socialiste, un engagement qu'elle assume et la bouche un peu pincée, assonnant et assemblant donc comme des perles les idées nazies pour travailler à la gloire du Führer. » Avec tantôt, on parlait d'un logo là qui ressemble à Zion. Puis là, en tout cas, on se pose des questions du côté du passé de la famille Dior. Je vous envoie quelques nouvelles comme ça qui m'ont fait bien rire et qui viennent de sortir sur le fil de presse. Ils cassent des rétroviseurs pour protéger le monde des extraterrestres. Vous avez bien entendu, les habitants de La Roche-sur-Yon ont été victimes d'actes de vandalisme un peu particuliers. En effet, un homme s'est mis en tête de casser plusieurs rétroviseurs de voitures dans un quartier de la ville. Rapidement interpellé, le fautif a expliqué ne jamais avoir eu de mauvaises intentions. En effet, le jeune homme a fait savoir au commissariat qu'il voulait simplement signaler que les extraterrestres allaient nous attaquer. Une explication un peu particulière que les forces de l'ordre ont eu du mal à croire. Aujourd'hui, le casseur du rétro a été transféré au centre hospitalier de Mazurel-sur-la-Roche. Et la mère du jeune homme avait signalé à la police sa disparition quelques jours auparavant, expliquant que son fils n'allait pas très bien. Donc, si vous voulez vous protéger des extraterrestres, fracassez vos rétroviseurs. C'est juste ça, le bon conseil du jour. Comme vous le savez, on s'est levé ce matin, il faisait encore de la neige. Et puis là, on se pose la question, réchauffement climatique, est-ce qu'on va avoir de plus en plus de tempêtes de neige? Eh bien, selon les chercheurs américains, les tempêtes de neige surprenantes qui ont frappé, bien sûr, les États-Unis, l'Europe et un peu partout sur la planète durant ces deux derniers hivers pourraient se multiplier justement à cause du changement du climat. La neige et le réchauffement climatique ne sont pas deux phénomènes incompatibles. Aux derniers hivers... aux États-Unis et en Europe, sont là pour le démontrer. Donc, le bilan des tempêtes de ces dernières années dans le nord-est des États-Unis affiche une intensité record avec des perturbations de catégorie 3 selon une échelle locale dite Northeast Snowfall Impact Scale. En effet, une telle ampleur remonte à une cinquantaine d'années sur des perturbations enregistrées lors de l'hiver 1960-1961. Bien que ces chutes de neige présentent une abondance peu commune, les températures ne descendent pas en dessous de la moyenne. Effet surprenant, le thermomètre a affiché à Washington entre moins 6 et 4 degrés lors de ces perturbations. Jeff Master, directeur de météorologie du CIP Weather on the Ground, souligne alors, et je cite, « Alors que la Terre devient de plus en plus chaude et qu'il y a plus d'humidité est absorbée par l'atmosphère, nous accroissons donc les chances d'avoir plus de tempêtes d'une extrême intensité et à toutes les saisons. Selon un modèle météorologique, l'augmentation des chutes de neige peut être corrélée donc à la hausse des températures. En effet, il a été constaté qu'une atmosphère plus chaude retient l'humidité et aussi au niveau des régions aux températures en dessous du point de congélation. Cette augmentation de l'humidité atmosphérique amènera davantage de neige. Et puis, on le sait, cette année, il y en a eu beaucoup. L'an dernier, il n'y en a pas eu ici. En tout cas, à Trois-Rivières, il n'y en a pas eu. Et puis, si je veux aller rapidement faire le tour de quelques nouvelles qui nous restent, eh bien, tantôt, je vous parlais des tablettes sous Android, les tablettes tactiles, bien sûr, l'iPad, etc. Eh bien, maintenant, ça vient juste de sortir tout de suite après que j'ai fini de parler de Android. Eh bien, c'est Google qui retire 21 applications dangereuses sur son Android Market, le App Store, finalement, de Android. 21 applications gratuites proposées sur l'Android Market de Google viennent d'être retirées de la boutique. Celles-ci étaient suspectées de couvrir des malware, c'est-à-dire des logiciels malveillants capables de récupérer des informations confidentielles sauvegarder sur les fameux smartphones. Hein? Faire toujours attention. Et on apprend de façon assez intéressante que WikiLeaks et Internet, oui, comme si c'était des personnes, eh bien, sont sur la liste du prix Nobel de la paix. Selon les fuites rapportées par la presse, hein, il y a un jeu de mots ici, WikiLeaks, selon les fuites, WikiLeaks et Internet, donc, et certains réseaux sociaux figurent sur la liste des nommés pour le prix Nobel de la paix qui sera décerné en octobre. On va débuter avec l'Iran, justement, qui a un problème avec le logo des Jeux olympiques de 2012. On dit que c'est un article qui a été cité, donc on le cite nous aussi. L'Iran a fait savoir lundi dernier, donc avant-hier, que ses athlètes pourraient boycotter les Jeux olympiques de 2012 en raison du logo de la compétition. Aux yeux du Comité international olympique iranien, le chiffre 2012 qui compose, donc sous forme déstructurée, le logo dissimulerait en fait le mot « Zion », dit-on, un terme qui désigne la cité de Jérusalem, capitale de l'État juif, dont la République islamique d'Iran récuse l'existence. Donc l'Iran, voilà une provocation à caractère raciste. Hey, si vous verriez le logo, là, allez voir, ça vaut la peine. Je vais le mettre sur la page Facebook du Dit-Con, mais c'est un peu n'importe quoi. Il est vrai que lorsqu'on bouge les chiffres, ça ressemble un peu à quelque chose à Zion, mais bon, on voit pas ce qu'il y a de raciste là-dedans. Mais bon, vu l'hostilité affichée entre le régime de Téhéran et Israël, on imagine que cela suffit aux Iraniens pour brandir une menace de boycott. Mais le truc, et puis je cite, c'est que j'ai voulu vérifier les éventuels détournements d'un logo aussi ambigu. Il faut dire qu'en allant sur Google Images, il y a une façon de détourner un peu n'importe quoi. Hein, on peut voir un peu n'importe quoi dans n'importe quelle image. Vous le savez, on voit Jésus-Christ dans une toast. Fait que, hein, on peut... Notre cerveau a tendance à imaginer ce qu'on veut. Hein? C'est un peu comme ça. Je vous invite simplement à aller voir cette image-là de ce logo et puis faites-vous votre idée. Hein? Parce que après on en parle, l'article continue, mais je comprends pas. En tout cas, hein, ça a pas vraiment de but. On va continuer comme ça. On va aller voir justement... ces jeunes hommes, donc, qui ont réalisé une parodie de la caméra cachée des jeunes filles qui voulaient montrer le regard des passants et des badauds vis-à-vis leurs fesses. Alors, pour piéger les regards indiscrets dirigés sur leurs entrejambes, eh bien, un jeune Américain a placé une caméra au niveau de la braquette de son jeans. Il répond ainsi aux deux jeunes filles de Los Angeles qui avaient placé, bien sûr, la mini-caméra sur leurs fesses. Il montre ainsi qu'elles ne sont pas les seules à être victimes des regards curieux sur leur forme. La seule différence avec la version féminine, c'est que la caméra est placée à l'avant et la seule différence avec la version féminine justement, c'est que c'est placé à l'avant et qu'elle est loin d'être cachée. La parodie a été réalisée par le duo formé de Attilas Aristote et Anwar Farim et le résultat est pour le moins amusant et avec un dispositif très voyant, il arrive à attirer le regard des hommes, des femmes et arrive même à leur décrocher un sourire. Et pour cause, la caméra a été mise en évidence sur le short du jeans. Bien sûr, du jeune homme, au final, on ne saura pas si l'accoutrement du jeune homme, si c'est l'accoutrement qui a interpellé les passants ou bien si c'était des regards vraiment intéressés à l'entrejambe. Donc, allez découvrir ces vidéos sur la page Facebook du Dîner de con dans quelques minutes. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le Dîner de con de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.